quand mon grand-père, à la Sorbonne, à la fin des années 50, a demandé à son professeur de lettres quel était son roman préféré, il hésite un moment et puis il a répondu « Les Trois Mousquetaires ». 1, 2, 3, 4, ils étaient déjà 4, les Trois Mousquetaires. 1, 2, 3, 4, ils savaient se battre, les Mousquetaires du roi. J'ai découvert Dumas un peu par hasard, on m'a offert un premier livre, c'était les Trois Mousquetaires. J'avais pris un peu de haut, c'est-à-dire que j'avais déjà un peu plus de 20 ans, et donc je ne l'avais pas lu. Et quelques années plus tard, je me suis mis tout à coup à le lire, parce qu'on en avait parlé, qui était plus sérieux sans doute, plus sérieux que celui qui m'avait offert. Donc je me suis mis à le lire, et j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc voilà, c'est un auteur que j'affectionne beaucoup, qui est extrêmement drôle, et quand on ne va pas bien, on lit un peu de Dumas, ben ça va déjà tout de suite beaucoup mieux. Moi, quand j'étais petit, j'adorais écouter une cassette, une vieille cassette que j'avais d'une version par Daniel Sorado. C'était très, très vieux et je pense que je l'ai usé à force de l'avoir écouté, cette cassette. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de très, très bons souvenirs de l'enfance. Donc, un grand merci pour l'émission du jour. À tous, Porthos, Aramis et D'Artagnan. Mais oui, c'est ça, chantez avec moi. Albert le cinquième mousquetaire. C'est avec ce dessin animé que j'ai découvert les Trois Mousquetaires quand j'étais enfant et ça m'a tellement marqué, ça s'est tellement intégré dans ma culture que quand j'ai eu un chien, je l'ai appelé Athos. Pour moi, la version cinéma que j'adore, c'est celle avec les Charlots. C'est la première que j'ai découverte et elle me fait mourir de rire. Il y avait aussi le dessin animé avec le chien là, mais bon, ma préférence ça reste quand même avec les Charlots. J'adore. Allez, salut, bonne émission à tous. To be or not to be, not to be. Dans les films de science-fiction, il y a un élément que les auteurs peinent à montrer sur l'humanité, c'est notre côté blasé. On s'habitue absolument à tout, à une de ces vitesses. Regardez le Covid. Au début, on était tous à fond. Ah, c'est la fin du monde! On s'enroulait dans du cellophane, on parlait à ses enfants via Skype. Et puis au bout de 15 jours, c'est toujours moins que la grippe espagnole, hein. Et puis de toute façon, ça touche que les vieux, donc j'ai envie de dire ça va, quoi. Et je sais pas si c'est le fait de vivre dans le monde de l'information en continu ou une news en chasse une autre, mais on est blasé de tout. Si des aliens envahissaient la Terre, je pense que ça nous ferait flipper une semaine ou deux. Et puis ensuite, c'est bon, un vaisseau alien, quand t'en as vu un, tu les as tous vus. Les tentacules, les lasers, boring. Je pense même qu'au bout d'une semaine, t'aurais un scientifique qui nous expliquerait « J'ai fait des tests, je suis formel, les dragibus sont efficaces contre les aliens. N'ayez pas peur, je répète, les dragibus sont efficaces contre les aliens. » Un mois plus tard, « Y'a pas d'aliens, c'est un coup des Américains. Regardez les vaisseaux, comme par hasard, ils sont en forme de triangle. Comme par hasard, ils sont arrivés le 6 juin. 6, 6, on est dans la 6e année du calendrier Toltec. 6, 6, 6, c'est le chiffre de la bête. » Du côté des aliens, on serait sûrement surpris. Je ne comprends pas les humains. Ils se jettent sur nos lasers parce qu'ils disent que c'est leur liberté de le faire. Tu sais quoi, Michel ? Oui, parce que tous les aliens s'appellent Michel. J'ai l'impression que les humains font beaucoup mieux tout seuls ce que l'on était venu leur faire. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Siglist. Les rapports que nous avons reçus nous indiquent qu'une bombe thermonucléaire d'une puissance de 50 mégatonnes a explosé sur la ville de Caprica il y a 30 minutes. Des explosions nucléaires ont été signalées sur les planètes Aridon, Icon, Sagittaire et Geminon. Les rapports ne donnent pas le nombre de victimes, mais il doit être très élevé. Dans la ville de Caprica, combien de gens y avait-il ? 7 millions. Nous pleurerons nos morts plus tard. Pour l'instant, le mieux que nous ayons à faire, c'est conduire ce vaisseau au combat. 3 ans. Depuis 3 ans, j'ai en tête de consacrer un blockbuster à Battlestar Galactica. Mais plusieurs problèmes se sont posés. Le premier, étant tout de même le plus important, le grand public connaît-il Battlestar Galactica ? Parce que si j'ai moi-même suivi cette série via un oncle qui vivait en Angleterre, téléchargement, au moment de sa diffusion sur Sci-Fi, et ensuite fait l'acquisition des DVD, c'est quand même tendu de conseiller aux gens de voir une série diffusée nulle part. Heureusement, Amazon Prime a réglé ce problème depuis quelques mois. Ensuite, de très bonnes émissions comme La méthode scientifique sur France Culture ou le très bon podcast de mon camarade Lloyd Cherry, C'est plus que de l'ASF, ont traité le sujet. Sans compter la pléthore de sites de fans de Battlestar Galactica qui font perdurer l'univers et les analyses multiples de cette série bien au-delà de cette diffusion. Bref, autant de raisons qui auraient dû m'amener à parler d'autre chose. Mais le souci, c'est que Battlestar Galactica est une série bien trop riche et réussie pour ne pas être partagée. C'est pourquoi aujourd'hui, pour évoquer cette pépite de la science-fiction, j'ai avec moi Jérôme Nussbaum, bonjour. Bonjour. Alors on vous appelle aussi Draven. Ouais. Vous êtes co-animateur du podcast Galactifrac aux côtés de Karine. Oui. Il s'agit d'un podcast entièrement dédié à Battlestar Galactica qui propose aussi bien des analyses d'épisodes, des news, des anecdotes sur les coulisses de l'intégralité de la franchise. Vous terminez actuellement votre passage en revue de la série originale des années 70. C'est ça. Et vous allez bientôt attaquer la série des années 2000. Ouais. Avec nous également Florent Favard, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en cinéma, audiovisuel et transmédia à l'Institut Européen de Cinéma et Audiovisuel de Nancy, 5-4 représente, hein, Université de Lorraine. Et vos deux derniers ouvrages s'intitulent « Le récit dans les séries de science-fiction » publié chez Armand Collin en 2018 et « Écrire une série télé » paru en 2019 aux éditions PUF. Tout à fait. Avec nous également Mehdi Achouche, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférences à Lyon 3 en civilisation américaine et études culturelles et vous finissez actuellement un livre sur les représentations du progrès dans le cinéma et les séries de science-fiction des années 70. Tout à fait. Ensemble, on va revenir sur la genèse de Battlestar Galactica, de la série des années 70, qui ne s'appelait que Galactica, à ce reboot séquel qui ne dit pas son nom des années 2000, chapeauté par Ronald D. Moore. On évoquera les grands thèmes de la série, comment cette dernière a su, au fil de 4 saisons incroyables, aborder des thèmes tels que la politique, l'immigration, la militarisation, la religion, dans une série où il y a pourtant des vaisseaux et des robots. On parlera de son casting, de ses choix, de ses réalisations. Bref, on va se faire plaisir. Et j'ai envie de dire... So say we all. Nous avons quitté notre monde. Notre bond nous a conduit au-delà de la ligne rouge, dans un endroit encore inexploré. Où devons-nous aller? Que devons-nous faire? La vie peut commencer dans tout l'univers. Ce sont les premiers mots des manuscrits sacrés. Ils nous ont été dits par les seigneurs de Kobol il y a des siècles et des siècles. Et il est parfaitement clair que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Et le chat, l'humanité compte une 13e colonie, n'est-ce pas? Oui. Les manuscrits nous disent qu'une 13e tribu a quitté Kobol dans les temps anciens. Ils ont fait un long voyage et se sont établis sur une planète appelée Terre qui tournait autour d'une étoile lointaine et inconnue. Je sais où elle se trouve. Nous estimions plus prudent de ne rien dire tant qu'il y aurait un Cylon pour nous menacer. Mais maintenant, nous avons un refuge où nous pouvons aller. Un refuge dont les Cylons ne soupçonnent même pas l'existence. Ce ne sera pas un voyage facile. Il sera très long et pénible. Mais je vous fais le serment que nous la trouverons. Et la Terre sera la planète des humains. Vous venez d'entendre le commandant William Adama, interprété par le majestueux Edward James Olmos et doublé en français par Philippe Catoire. Alors évidemment, on va entendre des extraits de la VF, mais j'invite tous ceux qui le peuvent à regarder la version originale sous-titrée, même si les comédiens de doublage font très très bien leur boulot, mais quand même. Alors je vais me tourner vers Jérôme Nussbaum. Battlestar Galactica, c'est quoi, en résumé? Alors, ce sont un ensemble de séries. La première date de la fin des années 70, on était en pleine émulation Star Wars et tout le public était en demande de science-fiction, de space opéra. Et donc c'est sur la chaîne ABC aux États-Unis que Glenn Larson, qui créera plus tard K2000, d'autres séries à grand succès, a lancé Battlestar Galactica, donc renommée Galactica chez nous en France, qui était à l'époque la série de science-fiction, ou voire même la série tout court, la plus chère de l'histoire de la télévision. Et bon, c'est un argument malheureusement qui s'est un peu retourné contre la série, parce que malgré son succès, elle a été annulée avant même que sa première saison arrive au bout. Il y a eu un spin-off, une série dérivée en 1980 qui a été annulée encore plus rapidement, parce qu'en plus là, elle était de qualité plutôt discutable. Et puis après, il s'est plus rien passé pendant pas mal de temps. ans, près de 20 ans, plus de 20 ans, jusqu'au début des années 2000, où Universal a voulu relancer la franchise et donc a fait appel à un producteur, David Icke, qui avait travaillé sur des séries comme Hercule ou Xena, que désormais tout un pays a été spoilé grâce à votre émission. Tout est lié. Et ce même David Icke a fait appel à Ronald D. Moore, qui était un scénariste donc qui avait bossé sur pas mal de séries Star Trek, surtout Star Trek La Nouvelle Génération. Oui, et aussi Deep Space Nine. Voilà. Et il se trouve que Ronald D. Moore avait envie de faire bouger les choses, de recréer en fait la science-fiction à la télévision et surtout de faire tout ce qu'ils n'avaient pas le droit de faire avec Star Trek. Et donc ils ont fait comme ça une mini-série en deux parties fin 2003 qui a eu du succès, et suffisamment en tout cas pour lancer ensuite une véritable série de quatre saisons entre 2004 et 2009, qui a elle-même donné plusieurs téléfilms et une série dérivée qui elle aussi par contre a été annulée à l'issue de sa première saison. Et la particularité de cette mini-série, c'est d'avoir été diffusée d'abord pour le public anglais, je crois. Oui, alors c'était un deal, effectivement, qu'il y avait au niveau de la production, où les Anglais avaient le droit de voir la série. En fait, c'était pas la mini-série, c'était la série, les quatre saisons qu'il y a eu ensuite, parce que les producteurs étaient encore un tout petit peu hésitants, mais ça a pu se faire parce que les Anglais participaient à la production, et ils avaient comme ça le droit de voir la série quelques jours, parfois quelques semaines avant le public américain. Et c'est d'ailleurs à l'origine de l'effervescence du téléchargement, parce que les Américains, n'ayant pas accès, ayant ce décalage entre l'Angleterre et les États-Unis, n'avaient pas la patience d'attendre et téléchargeaient énormément les épisodes, et ce qui a popularisé la pratique du téléchargement illégal, qui a, mine de rien, profité à la série. Bien sûr. Oui, et puis notamment, comme vous le disiez, peut-être aussi un petit peu en France, où la série n'a jamais eu droit à une diffusion sur les grandes chaînes hertziennes, parce qu'on parle là d'une série qui est contemporaine de Lost, par exemple, et qui a pourtant connu un destin très différent à cause de son manque d'exposition. Donc oui, la série a été comme ça précurseur en quelque sorte de pas mal de choses, dont le téléchargement. Mehdi Achouche, on a fait un petit peu la genèse historique de Battlestar Galactica, mais qu'est-ce que ça raconte en termes d'histoire ? Donc c'est la lutte des humains survivants contre les machines qu'ils ont eux-mêmes créées, qui les attaquent au début de la série et qui détruisent le plus gros de l'humanité. Et donc moins de 50 000 personnes fuient à travers l'espace et sont pourchassées par les machines qu'ils ont eux-mêmes créées. Donc évidemment, la série va beaucoup se centrer autour de ce conflit homme contre machine. Alors il faut préciser que ce sont des humains, mais qu'ils sont établis sur 12 colonies, 12 planètes avec des noms différents. Ils ont une culture différente de la nôtre. On n'a pas affaire à des terriens, à proprement parler, vu que justement, ils recherchent un endroit idyllique, une planète où s'établir, qui, elle, s'appelle la Terre. Voilà, exactement. C'est très étrange, puisqu'ils nous ressemblent sans nous ressembler. Leur culture, leur civilisation sont clairement très différentes des nôtres. Mais c'est un polythéisme. Tout à fait. Leur système politique également, qu'on va découvrir au fur et à mesure des épisodes, en fait, des quatre saisons. Et pourtant, ils cherchent la Terre, une planète qu'ils appellent la Terre. Et donc, on sent, malgré tout, qu'il existe un lien avec notre monde. À nous. Et Florent Favard, ce Battlestar Galactica, ce vaisseau qui donne son nom à la série, a pour particularité d'être une antiquité. Tout à fait, au début de la série, c'est même une pièce de musée, il est destiné à être transformé en musée, et c'est le seul vaisseau qui est capable de résister à l'attaque des Cylons, celle qui se déroule dans l'épisode pilote, puisque c'est justement vintage. Le plus vieux. Il est vintage, il n'est pas connecté à l'internet de l'espace, et c'est la raison pour laquelle il ne peut pas être piraté. Alors, on va continuer de parler de Battlestar Galactica, mais pour le moment, on écoute une chanson qui va parler, j'en suis sûr, aux fans de la série. On écoute Jimi Hendrix avec Along the Watchtower. There must be some kind of way out of here. Say the Joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. C'était Jimi Hendrix avec Along the Watchtower. Vous êtes toujours dans Blockbuster sur France Inter et on parle de Battlestar Galactica avec les maîtres de conférence Florent Favard et Mehdi Achouche ainsi qu'avec Jérôme Nussbaum, co-animateur de Galactifrac. Hey, vous n'êtes pas Gaius Baltar? Je n'ai rien fait. Veuillez venir, s'il vous plaît. Oui, oh, excusez-moi, pardon. Qu'est-ce que tu fais? Je lui laisse ma place. Oh, ça non. Tu vas venir. Sharon, regarde ces nuages et dis-moi si ce n'est pas la fin de tout. Non, écoute. L'avenir, s'il y en a un, va dépendre maintenant de ceux qui vont survivre. Si tu vois en quoi je vaux mieux que le plus grand cerveau de notre temps, alors dis-le-moi. Il faut que tu viennes. Tu vas arriver à piloter sans moi. Je sais que tu peux le faire. Tu l'as prouvé. Allez, montez. Vous venez d'entendre le moment où le lieutenant Elo Hagafon laisse sa place à Gaius Baltar, le scientifique. Elo est interprété par Tamo Peniket et doublé par Bruno Forget, tandis que Gaius est incarné par James Callis et doublé par Guy Chapelier. Florent Favard, qu'est-ce que Battlestar Galactica a changé au niveau de la série de science-fiction à la télévision? Ce qui est intéressant avec Battlestar Galactica, c'est que elle participe déjà de tout un élan de la complexité narrative dans les années 2000. On est dans l'âge d'or des séries télévisées. Mais elle va aussi montrer qu'on peut parler de science-fiction de manière très sérieuse et aussi parler de sujets politiques au travers d'une série qui se déroule dans l'espace à des milliers, des milliards d'années-lumière. Et le fait justement de garder l'humanité concentrée dans un vaisseau avec un nombre désormais réduit d'humains facilite aussi l'étude sociologique des humains, de l'humanité. Oui, tout à fait. C'est un système qui est mis sous pression et qui est fermé finalement, puisqu'on nous dit que la galaxie est déserte, ils ne peuvent aller nulle part, sinon sur la Terre. Et il se retrouve finalement à tenter de survivre, et progressivement aussi, alors sans spoiler, ils deviennent finalement un gang. C'est un des personnages qu'il dit en saison 3, on n'est plus une société, on n'est plus une civilisation, on est un gang, on est une meute. On s'accroche désespérément à la vie et à l'espoir de trouver la Terre, mais effectivement les structures politiques finissent par éclater petit à petit. Oui, d'autant qu'ils sont tous prisonniers, mais prisonniers consentants. Ils n'ont pas le choix. C'est des survivants dans un vaisseau qui est tenu par l'armée. Et donc, il y a aussi la problématique de devoir reconstituer un gouvernement au sein d'une structure qui est profondément martiale. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on va retrouver ensuite dans d'autres séries de science-fiction. Je pense à Stargate Universe, par exemple, qui a aussi réutilisé ce même credo. Et effectivement, on se retrouve dans un univers où, quand on lit la Bible de la série au tout début, on sentait que Ronald D. Moore avait prévu qu'Adama soit finalement le plus doux des deux, comparé à Roselyne, la présidente. Et oui, parce qu'il faut préciser que alors c'est compliqué, mais comme les colonies ont été détruites, forcément les gouvernements aussi, et une institutrice qui était juste ministre ou secrétaire d'État à l'éducation au sein de ce gouvernement se retrouve propulsée présidente de ce qu'il reste des colonies. Et elle a des décisions extrêmement difficiles à prendre dès le début de la série et tout au long de la série, des décisions qui d'ailleurs peuvent nous paraître choquantes à nous, occidentaux. Jérôme Nussbaum, c'est cette dualité entre les militaires incarnés par William Adama et le gouvernement incarné par Laura Roselyne, c'est le squelette de Battlestar Galactica, c'est ces deux faces d'une même médaille. Absolument, et c'est, je crois, l'un des plus beaux coups de génie de Ronald D. Moore, puisque c'est un ajout qu'il a fait par rapport à la série originale. Dans la série originale, il n'y avait que les militaires qui contrôlaient la flotte. Ici, il a voulu effectivement une direction à deux têtes qui permet d'affronter des points de vue et face à des situations diverses et donc des points de vue divers et de bien montrer quel devrait être idéalement le rôle des militaires et le rôle d'un gouvernement civil qui sont censés aller dans le même sens mais qui se retrouvent quand même assez régulièrement à devoir s'affronter sur des idées, sur des choses qui pourraient paraître simples à la base. Et d'ailleurs, Adama a à de nombreuses reprises a des scrupules à utiliser l'armée comme gardien d'une société civile, parce que pour lui, comme il le répète assez souvent, un militaire n'a pas vocation à soigner les problèmes de l'intérieur, mais à plutôt protéger des ennemis qui viennent de l'extérieur. Et il y a cette dynamique aussi qui est intéressante dans la série. C'est ça, et c'est l'une des citations les plus célèbres, hein, d'Adama, où il explique que le rôle de l'armée, c'est de protéger l'État des ennemis extérieurs, et que c'est pour ça qu'on ne lui confie pas le rôle de la police. Mais si on lui confie le rôle de la police, alors l'ennemi de l'État pourrait devenir les civils. Et oui, il est sans cesse confronté à des situations impossibles. C'est avec ça que Ronald D. Moore s'est beaucoup amusé quand il a écrit cette série, d'ailleurs, et les scénaristes qui ont travaillé avec lui. C'est que on a des personnages qu'on aime ou qu'on a envie d'aimer et qui parfois sont forcés de prendre des décisions horribles pour le bien général, pour la survie de la flotte. Je donne un exemple le plus évident lorsque comme ça. La majeure partie de la population a été décimée, c'est de recommencer à procréer, de faire des enfants. Et donc ça pose la question de l'avortement. C'est ça, que Est-ce devient qu'une... le droit à l'avortement dans une situation comme ça? Voilà. La série nous invite à réfléchir par exemple sur ce genre de choses. Mehdi Achouche, ce qui aide aussi à s'investir totalement, même pour des gens qui n'aiment pas la science-fiction, parce que je pense que c'est important de le préciser, Battlestar Galactica peut séduire de nombreux publics qui se seraient dit « moi, je ne regarde pas ce genre de choses ». Mais c'est aussi le fait que la technologie est même un petit peu presque lointaine pour nous, c'est-à-dire qu'on n'a pas de téléphone portable, c'est un vaisseau un peu vieux, un peu poussiéreux, très très sombre. Il y a une idée aussi que toute la technologie est vétuste. Oui, absolument. Souvent, parfois, en tout cas, le public peut avoir des difficultés avec la science-fiction parce qu'on se dit, oh là là, va y avoir beaucoup de machines, va y avoir beaucoup de langages que je ne comprends pas, moi ça m'embête, ce genre de choses. Et la série est très intelligente, et Ron Moore est très intelligent parce qu'il a décidé effectivement de couper court à ce genre de préjugés en installant des téléphones filaires, par exemple, en faisant en sorte que son vaisseau spatial ressemble en fait à un porte-avions ou un sous-marin avec des écoutilles, de larges portes blindées, il n'y a pas d'écran, de télévision ou d'ordinateur, etc. Les micros, on dirait des micros des années 40. Ça permet à la série de bien vieillir, à mon avis, car il n'y a rien qui vieillit mal, pire que la technologie finalement, et ça permet de se concentrer sur autre chose que la science et la technologie, mais comme vous le disiez, sur les problématiques concernant l'avortement, concernant les tribunaux d'exception, la torture, le terrorisme. On se focalise non pas sur la science ou la technologie, mais sur l'aspect humain, politique, voire philosophique de la série. Et l'autre particularité de cet équipage, c'est que c'est un équipage de militaires et donc de civils mixtes. Il y a autant d'hommes que de femmes, les soldats se douchent au même endroit. Il y a vraiment eu une envie, mais dès le premier épisode et dès le téléfilm, d'effacer très rapidement cette idée qu'il y aurait les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Non, c'est tous logés à la même enseigne. Oui, tout à fait. On est dans un monde parallèle, un monde second, et ça permet finalement de mettre en scène une société qui a des lois, des règles sociales qui sont différentes des nôtres et qui ne surprennent personne. Pour eux, c'est parfaitement normal d'avoir des toilettes et des douches mixtes. Et ils prétendent que c'est normal, évidemment, les acteurs. Et comme ça, ça nous renvoie à nous-mêmes, à nos propres attentes et préjugés. On se dit, tiens, pourquoi pas, finalement. Alors, un téléphone et des doigts, c'est les deux éléments indispensables pour nous laisser un message au 01 56 40 30 20 sur Battlestar Galactica. N'hésitez pas à venir nous parler de votre rencontre avec cette série. C'est votre répondeur. On arrive à mi-parcours de l'émission et on appelle ça le passage COBOL en langage Galactica. On écoute Petit Prince avec JSP. Je t'aime les cheveux. C'était Petit Prince avec JSP, je sais pas. Et j'aimerais qu'on ait tous et toutes une pensée pour celui qui pilote aujourd'hui le vaisseau Blockbuster sous la houlette du commandant Céline Hila à la réalisation. Je veux parler de Raphaël Rousseau à la technique. Blockbuster. Je suis pas mauvaise. Frédéric Sigrist. Je suis juste dessinée comme ça. Sur France Inter. Florent Favard. On parle de Battlestar Galactica, mais il y a encore une espèce extraterrestre, enfin extraterrestre, non, plutôt très, très terrestre, dont on n'a pas parlé, les Cylons. Qui sont-ils ? Les Cylons sont des intelligences artificielles qui ont été créées par les colons 50 ans avant le début de la série. Et il se trouve qu'ils se sont rebellés, comme ce qui arrive souvent quand on crée des robots. Et le petit twist de la série des années 2000, c'est de continuer à utiliser des Cylons qui ont une apparence robotique avec une armure métallique. Les Centurions. Mais aussi d'introduire des Cylons à apparence humaine, qui sont indiscernables des autres et qui sont aussi infiltrés dans la flotte de survivants. Et ça, c'est intéressant parce que... Ça rappelle Blade Runner. Et aussi en termes narratifs, ça pose presque une date de péremption à la série, puisque on nous dit dès le début, il y a que 12 modèles différents, 12 apparences différentes. Et la série va devoir gérer cette question sur le long terme. Et va devoir se dire à un moment, il faut peut-être qu'on économise les identités. À un moment, là, on va en lâcher une, là, on va en donner une, là, on va ne rien dire. Et tout au long de la série, un des grands mystères, c'est de comprendre qui sont les 12 Cylons. Et alors, il y a cette dynamique de skin jobs, c'est-à-dire ces Cylons à forme humaine cachés au sein même de la flotte, qui rappellent donc les réplicants de Blade Runner. C'est d'ailleurs intéressant de noter que Edward James Olmos, l'amiral Adama, a joué dans Blade Runner, donc la boucle est bouclée. Mais il y a une autre dynamique chez ces Cylons, c'est qu'ils ont développé une religion avec un dieu qui, lui, est unique. Est-ce que quelqu'un d'entre vous peut en parler un petit peu ? Oui, eh bien les Cylons, ce qui est original ici, c'est que ce sont donc des terroristes, ils sont qualifiés de terroristes. Ils attaquent l'humanité, notamment au nom de la religion monothéiste. Ce sont des extrémistes religieux et qui n'hésitent pas à commettre des attentats suicides à bord de la flotte, puisqu'ils ressemblent à n'importe qui, ils ont une apparence humaine, ils peuvent s'introduire et donc créer la paranoïa, jeter la paranoïa au sein de la flotte, puisqu'on se demande est-ce que mon voisin est un terroriste en puissance. Et évidemment, la série, donc, elle est en 2003-2004, et donc on est en plein contexte de post 11 septembre et de guerre en Irak. Et donc c'est ça, en fait, les Silence permettent à la série de mettre en scène, de mettre en jeu les questions liées au terrorisme, à la torture, comment est-ce qu'on répond en fait au terrorisme. Et aussi la problématique du McCarthyisme, c'est-à-dire où on imagine avoir des Silence ou des communistes un peu partout dans la flotte, soumettre les gens voilà à la question pour savoir si ils ne vont pas être des traîtres en devenir. Et il y a ce personnage qui est sûrement, à mon sens, le personnage le plus complexe de Battlestar Galactica, qui est Gaius Baltar. Jérôme Nussbaum, est-ce qu'on peut parler de Gaius Baltar, donc ce scientifique qui est quand même responsable d'un génocide? Absolument, et mais qui est un survivant en fait. Je crois que c'est le qualificatif principal qu'on peut lui appliquer, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui va à tout prix essayer de survivre, quitte à écraser des gens sur son passage, à cacher ses fautes, et elles sont pas petites, voire même à développer un culte de la personnalité, si tant est que ça puisse le protéger à un moment. Oui, c'est-à-dire qu'il passe de traître à gourou, à politicien, ouais, à messie. Ouais. Il essaye tout. Il essaye tout et il est fascinant, ce personnage. C'est le plus humain quelque part parce qu'il est lâche, c'est ce que je disais, il essaye de survivre en toutes circonstances, il est retors, il adapte toujours son discours à la situation, et puis en plus il est interprété avec brio par un acteur, James Callis, qui est extraordinaire, il y a des moments où on a envie de l'étrangler, il y a des moments où il nous fait rire aux éclats, c'est quand même assez impressionnant. C'est le personnage, c'est un personnage clé dès le départ, et en plus il est accompagné de voix qui le dirige dans ses choix, parce que lui aussi mine de rien fait des choix difficiles, on peut voir sa conscience en fait, enfin ça peut être une théorie, en tout cas sa conscience qui lui parle et qui a les traits de Tricia Helfer, l'interprète qui joue également numéro 6, voilà. Une des Silence, ça, on peut le dire, vu que dès le début, on la voit apparaître, il y a pas de souci, il y a pas de, ouais, on divulgue rien du tout, elle est sur la pochette du DVD. Là. C'est ça, elle est même le symbole, hein, de toute la promo autour de la série, elle lui chuchote à l'oreille, elle est la tentatrice qui lui chuchote bien souvent des choses. Alors, est-ce que c'est son moi, qui n'ose pas parfois prendre des décisions et qui a besoin d'être un petit peu poussé, ou est-ce que c'est vraiment une influence extérieure? Bon, ça, il faut voir la série, je vais pas le dévoiler, mais voilà, c'est un personnage extraordinaire et qui peut paraître comme ça très fantasque et très imaginaire, et pourtant en période de crise, parce que Battlestar Galactica c'est une série qui a été écrite après le 11 septembre, qui en est extrêmement imprégnée, mais je crois que surtout si elle reste d'actualité encore aujourd'hui, c'est parce que c'est une série sur la gestion de crise d'une manière générale. Et imaginez une crise planétaire où un scientifique développerait comme ça un culte de la personnalité et se produirait dans les médias et deviendrait un petit peu un symbole de contre-pouvoir. Faut pas du tout de quoi vous voulez parler. Non, mais c'est imaginaire tout ça. C'est oui, la science-fiction. Bien sûr, c'est de la science-fiction. Voilà. Oui, toute ressemblance avec les faits réels serait purement fortuite. Tout à fait. Et alors effectivement, il y a cette icône, cette figure féminine incarnée par numéro 6, Tricia Helfer, mais il y a aussi le personnage de Starbuck qui existait dans la série originelle, mais qui était joué par un homme, Dirk Benedict, ouais, qui jouait Looping ou Futé, non, Futé dans Agence Touriste, c'est ça. Hein. Ouais. Voilà, et il y a notamment aussi Richard Hatch qui jouait Apollo dans la première série, qui là joue Tom Zarek dans celle-ci. C'est ça. Il y a Ronald D. Moore a vraiment joué avec les nerfs des fans, notamment des fans de la série d'origine, puisqu'il y en a beaucoup qui ont grincé des dents sur le fait que Starbuck soit une femme dans la série des années 2000. Et Richard Hatch, donc l'interprète d'Apollo dans la série originale, qui lui-même a longtemps milité pour que Battlestar Galactica puisse un jour continuer, revient dans la série moderne, mais sous les traits d'un méchant. Et là aussi, c'est extrêmement surprenant, mais c'est très riche et c'est super intéressant de voir tout ce qu'ils arrivent à faire avec ça. Et maintenant, j'ai l'immense plaisir de vous présenter le dernier commandant du vaisseau Galactica. Le commandant Adama. Quand nous avons combattu les Cylons, nous l'avons fait pour nous sauver de l'extinction. Mais nous ne nous sommes jamais demandé pourquoi nous, en tant qu'êtres humains, valions la peine d'être sauvés. Nous commettons des meurtres par cupidité, colère ou jalousie. Il n'empêche que nous reportons toujours sur nos enfants le poids de nos péchés. Nous avions décidé de jouer à Dieu. Nous avons créé la vie. Quand cette vie s'est retournée contre nous, nous avons préféré nous dire que ce n'était pas notre faute. Enfin, pas vraiment. On ne peut jouer à Dieu et ensuite se laver les mains des choses qu'on a créées. Car tôt ou tard, le jour arrive où il faut reconnaître nos fautes et en payer le prix. Un discours de William Bill Adama. Et ce qui est intéressant avec ce personnage de chef militaire, c'est que ce vieux vaisseau qui était destiné à prendre sa retraite, tout comme Bill Adama dans la série, est en fait une sorte de symbiose avec son avec ce personnage. C'est-à-dire que ce que le vaisseau subit physiquement tout au long des quatre saisons, c'est ce que c'est l'état mental de William Adama tout au long aussi de la série. Oui, c'est l'une des choses que Ronald D. Moore a pu se permettre avec la série, effectivement, c'est de montrer un vaisseau qui vieillit, qui est déjà vieux de base, mais qui vieillit en même temps que son capitaine qui a de plus en plus de mal à assumer le poids de ses fonctions. On peut le dire d'ailleurs clairement qu'il va passer parfois du temps dans ses quartiers à se bourrer la gueule, mais au plus haut ça point... Ça picole énormément dans cette série, il faut le préciser. En même temps, je pense qu'il reste plus que 50 000 personnes vivantes, on est coincé dans un vaisseau sans savoir, parce qu'ils ne connaissent pas le chemin en fait, pour retrouver la Terre. C'est pas, il n'y a pas un GPS qui dit c'est par là. Donc c'est la promesse d'un avenir dont ils n'ont absolument aucune certitude. Il y a ça aussi qui est en filigrane, qui est très très fort dans Battlestar Galactica. Tout à fait, c'est extrêmement compliqué de maintenir comme ça la motivation de la population, alors que le but est extrêmement diffus. On ne sait même pas où aller et dans combien de temps on y sera, ni tout ça. Donc oui, tout ça, ce sont des difficultés. Il y a, en fait, de toute façon, la série est bourrée de paraboles mythologiques, symboliques, religieuses. Et parce qu'on est dans l'exode juive. Totalement, bien sûr. Dans ce vaisseau. Et alors, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais Florent Favart, ça serait bien qu'on parle quand même de Starbucks, la réécriture de ce personnage féminin qui est quand même incroyable. Et qui est effectivement une réécriture qui n'a pas plu, on en parlait, notamment à Dirk Benedict, qui a été un des premiers à manifester son désaccord. Starbucks, elle est vraiment intéressante en effet, puisque c'est un personnage féminin, c'est une pilote. Elle sait boxer, elle sait jouer au poker. C'est pas n'importe quel pilote, c'est une excellente pilote. C'est une excellente pilote, c'est une pilote d'élite. Et c'est, il se trouve que c'est une femme, donc c'est une réécriture d'un personnage initialement masculin dans la série d'origine, et qui reprend ses atours masculins, tout en justement les remédiant. On a un personnage assez hybride qui incarne bien la tendance des années 2000, de ces personnages de femmes fortes, qui finalement avaient aussi leurs limites. C'était des personnages. On se dit, on va faire une femme forte, donc on va faire une femme qui sait puncher. Mais une femme peut aussi recevoir des coups, et elle peut continuer aussi à s'inscrire dans des intrigues qui vont être aussi un petit peu plus traditionnellement codées comme féminines, notamment un triangle amoureux qui va entourer le personnage. Donc on a un personnage assez hybride, très intéressant. Mehdi Achouche, que pensez-vous du personnage de Starbuck et notamment de sa mise en parallèle avec Apollo, le fils d'Adama, qui lui incarne vraiment le héros à l'intégrité morale extrêmement forte, quitte des fois à ce qu'elle soit un chouïa trop forte. Oui, absolument. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'elle évolue, comme tous les personnages dans cette série. Tout le monde évolue, tout le monde change. Et le personnage de Starbuck dans la première série était aussi un séducteur, avec son cigare qui tombait toutes les femmes finalement. Et elle commence comme ça avec son cigare et elle tombe les hommes. Donc c'est ça aussi en fait qui est surprenant au début de la série, c'est avoir un tel personnage. Puis elle évolue au fil des saisons, ses cheveux poussent, elle se féminise un peu plus selon des codes plus traditionnels. Et donc finalement elle va rentrer effectivement de plus en plus dans cette relation ambiguë, ambivalente avec Apollo, et ils vont souvent être en désaccord. Ils sont amis, voire plus, parce qu'il y a forcément une tension romantique entre les deux. Mais la dynamique est intéressante puisqu'ils sont en désaccord sur quoi faire, pourquoi le faire, comment le faire. Et donc, elle permet de rééquilibrer l'idéalisme finalement d'Apollo, qui pense qu'il a raison, qui pense qu'il faut suivre des idéaux grandioses, etc. Elle le ramène sur Terre et c'est une militaire. Après tout, et lui, il quitte finalement l'armée, il s'en éloigne un petit peu pour rentrer en politique. Et donc elle le rappelle un petit peu à l'aspect pratique des choses. Et je pense notamment à cet épisode incroyable de la première saison où c'est elle qui va s'occuper de l'interrogatoire musclé d'un silent terroriste et qui va pratiquer la torture sur lui. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très surprenant à voir à l'époque. Oui, et il y a aussi à travers ces personnages, là, on parle de personnages qui existaient déjà dans la série originelle, mais il y a des personnages totalement inédits qui ont été développés que pour cette version, notamment le personnage de Douala, de Geita, qui sont des soldats, mais qui ont un parcours sur 4 saisons qui est aussi incroyable. On pourrait aussi y ajouter Kali et le Chief. Il y a une écriture des personnages secondaires qui est exemplaire. Personne n'est oublié dans Battlestar Galactica. C'est une série polyphonique en réalité. Il n'y a pas un ou deux personnages principaux. Il y a une galerie, une dizaine, une quinzaine de personnages principaux. Même les personnages secondaires ont leur propre épisode. Il y a aussi des séries web qui ont été développées où ça permet de mettre l'accent un peu sur ces personnages. Et moi, Gaeta, c'est celui que je trouve peut-être le plus intéressant parce qu'il y a une évolution, sans spoiler évidemment, une évolution. Non, mais c'est incroyable. Compliqué. Il faut le dire aux auditeurs. On fait des sortes de petits sauts de puce entre des mines antipersonnelles pour dire faut pas que je révèle ça. Voilà, le but du jeu, c'est vraiment de vous donner envie de la découvrir parce que il y a mille et une lectures de cette série et ça vaut vraiment vraiment le coup. De la même manière, on n'a pas parlé suffisamment aussi de l'aspect religion dans Battlestar Galactica, on l'a évoqué, mais entre le polythéisme de la colonie originelle et le monothéisme des Cylons, la religion tire son nom. Ça occupe beaucoup d'épisodes en fait. Oui, absolument. Oui, c'est un thème central à la série. D'un côté, parce qu'évidemment, le contexte post 11 septembre, on a compris que on était en train de parler du rapport à l'islam. Ici, on ne mentionne pas l'islam, mais évidemment, c'est l'éléphant au milieu de la pièce quelque part. Et puis il y a aussi quand même le côté, on va dire, transhumaniste, finalement, de cette création de vie qui se retourne contre nous. Évidemment, c'est un mythe chrétien très répandu. Et de comment est-ce qu'on considère la conscience, et qu'est-ce que la conscience, et qu'est-ce que notre humanité, finalement. Et il y a une partie de la réponse, peut-être, qui est la capacité de croire, en fait, en un être supérieur, transcendant, etc. Et donc, finalement, il y a cette question qui se pose, qui est à la fois religieuse et à la fois philosophique. Et la capacité aussi de se reproduire. Absolument. La capacité de se reproduire, et la capacité d'être mortel. Ça, c'est un cliché qu'on retrouve beaucoup dans beaucoup de films et de séries de science-fiction, qui est que pour être humain, qu'on soit robot ou né humain, il faut être mortel. Oui, parce qu'il faut préciser que les Cylons, et ça c'est pas un spoil, mais il y a 12 modèles, mais quand il y en a un qui, quand une apparence meurt, son esprit est téléchargé dans un autre corps, et ce qui en fait s'approche à un sentiment d'immortalité. Oui, c'est ça, et donc le problème c'est qu'ils sont trop forts. Évidemment, ce qu'on disait très justement, c'est que tous les personnages de cette série ont des faiblesses. Ils sont faibles, mais c'est en ça qu'ils sont humains et intéressants. Et les Cylons vont évoluer vers plus de faiblesses physiques, mais aussi morales et spirituelles. Alors, vous qui avez vu ces 4 saisons, est-ce que vous avez été complètement satisfait de la conclusion de la série, sans la dévoiler, attention, ou est-ce que vous avez préféré le voyage que que l'arrivée? J'adore la fin. Pour être franc, je la trouve bouleversante et j'en suis très fan. J'ai même un peu de mal à comprendre les critiques, c'est pour ça que je serais curieux d'en entendre. D'accord, ok. On le fera hors antenne alors. Ça marche. Alors demain, je ne vous le cache pas, je vais jouer à Animal Crossing avec ma fille et Super Smash Bros avec mon fils. Et en général, quand je pense à ça, ça veut dire qu'on est presque à la fin de cette émission et qu'on est en fin de semaine. Mais avant cela, il y a un jeu et une chanson. On écoute Sébastien Tellier avec A Ballet. Je ne peux pas mourir. Quand le corps sera détruit, ma mémoire et ma conscience seront transférées dans un autre corps. Je me réveillerai quelque part dans un corps qui sera comme celui-là. Tu veux dire qu'il y en a d'autres comme toi ? Il y a 12 modèles en tout. Empty face, seek for the grace, you got to ramble. Empty face, seek for the grace, she's looking at you. I should glide C'était A Ballet de Sébastien Tellier et maintenant, on joue. Attention, qui que vous soyez, attention. Blockbuster. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Frédéric Sigrist. Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza ? Sur France Inter. Et aujourd'hui, on a Mickaël au téléphone. Bonjour Mickaël. Bonjour Frédéric, bonjour Jérôme, Florent et Mehdi. Bonjour. Oh, bah voilà, il a retenu tout le monde, c'est bien, il est briefé. Est-ce que vous êtes fan de Battlestar Galactica ? Eh ben écoutez, ouais, très fan de la série des années 2000. Oui. L'ancienne, j'avoue, je ne l'ai jamais regardée, j'ai jamais eu le courage. Mais c'est très différent, c'est très très différent. Ouais. Est-ce que vous connaissez le principe du jeu ? Eh bien écoutez, oui, mais vous allez le rappeler. Eh bien exactement. Je pose une question, vous avez 20 secondes chrono pour y répondre, et si vous n'avez pas la réponse, c'est pas grave. Vous avez le choix d'avoir un joker autour de la table, un invité qui répondra à votre place. C'est bon ? Ça marche. C'est parti. Première question, très très simple. Qui incarne numéro 6 dans la série Battlestar Galactica ? Alors, l'actrice, c'est Tricia Helfer. Tricia Helfer, effectivement, qui était mannequin avant d'obtenir le rôle. Et les producteurs de la chaîne n'étaient pas très confiants. On comprend pas pourquoi, parce qu'en fait, elle les a tellement impressionnés qu'ils ont décidé de baser toute la campagne promotionnelle de la série sur son personnage. Question suivante. Combien de modèles Silence d'apparence humaine ont été créés ? Alors, 8 modèles ? 12 modèles ? Ou 13 modèles ? Alors, la question est un peu compliquée, parce que moi, je dirais 13 en tant que fan, et bien, mais si, on n'en connaît que 12. Eh bien, vous savez, des fois, il faut s'assumer en tant que fan. Quoi que dise le monde, quoi qu'on vous reproche, il faut dire « je suis fan et fier de l'être ». 13 modèles, c'est vrai. Les 5 derniers sont les Silence originels. Ils ont créé 8 modèles humanoïdes, donc ça fait un total de 13 modèles. Dernière question, quel est le personnage que l'on va entendre dans cet extrait ? Do now avow and affirm that I accept the office of the president of the 12 colonies of Kobol, and that I will protect and defend the sovereignty of the colonies. Alors ? Alors, j'ai regardé la série en VF, mais il me semble avoir reconnu Laura Roselyne. Eh bien, c'est ça ! Laura Roselyne, interprétée par Marie McDonnell, une comédienne absolument incroyable. C'est un sans faute ! Vous avez gagné un exemplaire du jeu de société Blockbuster qui sortira au mois d'octobre. C'est un partenariat des éditions Radio France et Marabout. Eh ben, écoutez, je vous remercie bien, en tout cas. Merci beaucoup, Mickaël. Je tenais à vous dire, super émission. Je l'ai découverte l'année dernière grâce à un ami à moi et depuis, j'écoute tous les podcasts et quand je peux, directement à la radio. Vraiment, merci beaucoup. Mais merci à vous. Merci à vous de votre fidélité. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Alors, on a parlé de la série Battlestar Galactica, mais aussi des films qui sont sortis, qui ont accompagné cette dernière. Il y a notamment le film The Plane, il y a Galactica Blood and Chrome, il y a aussi Razor, qui explique ce qui s'est passé sur un autre Battlestar qui s'appelle le Pegasus. Que penser de ces séries dérivées ? Et puis, il y a aussi la mini-série Caprica, qui est une sorte de préquel. Que penser de cette expansion de l'univers Battlestar Galactica ? Mais il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que là encore, on retrouve l'essence de la science-fiction, et notamment de la science-fiction littéraire. On va construire des cycles et on va pas forcément sortir des volumes dans l'ordre chronologique de l'histoire. Parfois, on va revenir en arrière, on va proposer une préquelle. Et par exemple, l'idée de Caprica, Ronald D. Moore et ses scénaristes l'avaient au moins depuis la saison 2, disent-ils. Ils avaient envie de creuser l'histoire de la création des Cylons. Et celle aussi du père de Bill Adama. Donc, il y a un univers qui est tellement riche que forcément, il donne lieu une extension qui est aussi transmédiatique, puisqu'il y a eu les webisodes, il y a eu des bandes dessinées, des jeux vidéo. Parfait, parfait. Merci à vous tous, merci Florent Favard, Mehdi Achouche, Draven, Jérôme. J'espère qu'on a donné aux auditeurs l'envie de voir ou revoir Battlestar Galactica. Et si ça vous dit, vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou en parler directement et poliment avec moi sur la page Facebook de l'émission. Non, je le dis parce que sur Internet, c'est toujours quand même... ou sur Twitter avec le hashtag BlockbusterEFI. Ce que je veux avant tout, c'est que tu m'aimes. Que je t'aime. Bien sûr, Kali.